La savane brûle. L'horizon s'éteint. Chaque mot tombe. Chaque souffle m'atteint. Riders kill murmur. Son nom s'élève. Les viewers vibrent. La chaleur soulève. Ta voix m'attache. Chaque syllabe sert, chaque mot s'arrache.